Si t'as pas de vie, ne viens pas voler la mienne. Oh, oh, oh. Ton venin glisse, ta haine s'éteint. Pride est-ce qu'il brûle, franc et léger. Oh, oh, oh. Un roc vivant. Stands, I still rise. Empty hearts can't take my flame. Your poison dies, I keep my name. Venom fades, the truth survives. Brighter skill stands, I still rise. Empty hearts can't take my flame. Your poison dies, I keep my name. But ils ont pas de vie mais veulent la vôtre. Des ombres vides, des mots qui flottent. Chaque venin qui crache sur les vrais ne fait que tuer leur reflet. Moi je vis franc, droit et sincère. Mes cicatrices parlent dans la lumière. Raid est-ce qu'il trace, lourd et précis. Un rock sacré que rien ne détruit. Des fantômes sombres sans horizon. Leur vie creuse cherche prison. Ils s'accrochent aux flammes des autres, mais leurs mots meurent froid et fausse. Moi je m'ancre dans la vérité, chaque ligne pèse brute et gravée. Raid est-ce qu'elle vit, clair et loyal, un souffle d'acier et un cri brutal. Venom. Cherchez des vies à vampiriser, mais vos chaînes ne font que vous briser. Chaque poison que vous crachez en cachette vous consume, vous met en défaite. Moi je garde ma route claire, chaque vérité forge mes pierres. Raid est-ce qu'il parle, bloc éternel, un souffle brut, un poids réel. Qui cherche écho, des mensonges faibles, des mots trop faux. Mais quand le feu nettoie vos chaînes, chaque venin retourne en peine. Moi je suis droit, froid et précis. Chaque attaque nourrit les écrits. Raid est-ce qu'il marche, franc et vrai. Un roc vivant gravé à jamais. Venom. Crachez votre haine sur les vrais, mais vos miroirs meurent à jamais. Moi je reste bloc, franc et loyal. Rider skill sacré, un souffle total. Chaque trône tombe, vos voix s'effacent. Chaque venin finit en trace. Des générations suivent sans voir, aveugles, perdus dans le noir. Moi je reste feu, droit et loyal. Chaque vérité devient arsenal. Rider skill vit, clair et réfi. Un nom sacré dans vos nuits. Venom. Still rise, empty hearts can't take my flame. Your poison dies, I keep my name. Vous avez pas de vie alors vous volez, mais vos poisons finissent brûlés. Rider skill vrai, gravé dans l'air, un feu sacré, une voix sincère.